Peu de jours après ma catastrophe, mon hôtesse, qui, comme je l'ai dit, m'avait prise en amitié, me dit qu'elle m'avait peut-être trouvé une place et qu'une dame de condition voulait me voir. À ce mot, je me crus tout de bon dans les hautes aventures, car j'en revenais toujours là. Celle-ci ne se trouva pas aussi brillante que je me l'étais figurée. Je fus chez cette dame avec le domestique qui lui avait parlé de moi. Elle m'interrogea, m'examina. Je ne lui déplus pas, et tout de suite, j'entrai à son service. Non pas tout à fait en qualité de favori, mais en qualité de laquais. Je fus vêtu de la couleur de ses gens. La seule distinction fut qu'il portait l'aiguillette et qu'on ne me la donna pas. Comme il n'y avait point de galon à sa livrée, cela faisait à peu près un habit bourgeois. Voilà le terme inattendu auquel aboutirent enfin toutes mes grandes espérances. Madame la comtesse de Verselis, chez qui j'entrais, était veuve et sans enfant. Son mari était piémontais. Pour elle, je l'ai toujours cru savoyarde, ne pouvant imaginer qu'une piémontaise parlât si bien français et eût un accent si pur. Elle était entre deux âges, d'une figure fort noble, d'un esprit orné, aimant la littérature française et s'y connaissant. Elle écrivait beaucoup, et toujours en français. Ses lettres avaient le tour et presque la grâce de celles de Madame de Sévigné. On aurait pu s'y tromper à quelques-unes. Mon principal emploi, et qui ne me déplaisait pas, était de les écrire sous sa dictée, un cancer au sein qui la faisait beaucoup souffrir, ne lui permettant plus d'écrire elle-même.